Vous êtes les bienvenus en Amen. Amen. Welcome people in Jesus' name. Amen. Wir heißen die Leute willkommen im Namen von Jesus Christus. On doit souhaiter les gens les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. We do everything in his name. Und wir tun alles in seinem Namen. On fait tout au nom de Jésus. We are different from those that do things in his name in vain. Wir sind anders als diese Menschen, die Dinge im Namen von Jesus Christus tun, aber diese Dinge umsonst tun. Nous sommes différents des gens qui font les histoires au nom de Jésus-Christ, mais ils les font en vain. What we do might look similar, but they are not the same. Was wir tun, mag vielleicht ähnlich aussehen mit dem, was sie tun, aber was wir tun, ist anders als das, was sie tun. Ce que nous on fait, ça peut sembler pas, ça semble pareil à ce que les gens font, mais les autres font, mais c'est vraiment différent. Amen. Amen. That's what we will go. We go through some today. Amen. Amen. Allow Christ to be all in His life that He gave you. In der heutigen Botschaft geht es darum, zuzulassen, dass Christus alles ist. In the life he gave you. In dem Leben, was dir gegeben hat. Le message aujourd'hui, c'est le sujet, c'est de permettre à l'Éternel d'être tout dans la vie qu'il t'a donnée. Amen. You no longer have the old life. Tu hast nicht mehr dein altes Leben. Tu n'as plus l'ancienne vie. John 10:10 said he came to give us a new life. In Johannes 10:10 steht, dass er kam, um uns ein neues Leben zu geben. Jean 10:10 là, il nous dit qu'il est venu pour nous donner une nouvelle vie. Amen. Amen. We have Christ's life. Und wir haben das Leben von Christus. On a la vie du Christ. Colossians 3 says we have His life. In Kolosser 3 steht, dass wir sein Leben haben. Colossiens 3 nous dit que nous on a sa vie. We no longer have the dead life, but life. Wir haben nicht mehr das tote Leben, sondern das wahrhaftige Leben. On n'a plus l'ancienne vie qui était morte, mais on a maintenant la vraie vie qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Christ must be everything, including our refreshment. Christus muss alles für uns sein, inklusive unserer Erfrischung. Jésus-Christ doit être notre tout, et aussi c'est aussi notre rafraîchissement aussi c'est inclus. Including our rest. Rafraîchissement. Unsere Erholung inkludiert auch unsere Erholung. You can see that comes quickly. Very good. Praise the Lord. Alléluia. Le thème c'était das Thema war wie das Leben von Allow Christ to be everything. Permet Jésus-Christ être ton tout dans la vie qu'il t'a donné. Genau, in the life he gave. To be everything, to be all things in the life he gave you. Yeah. Donc d'être tout dans la vie que lui il t'a donné. Amen. Voilà. The life that you now have. La vie que tu as maintenant. It's his life. C'est la vie de Jésus-Christ. No longer have the old life. Parce que tu n'as plus l'ancienne vie. The old life is dead and buried. You now have the life of Christ. L'ancienne vie, ton ancienne vie. Est mort et enterré et maintenant tu as la nouvelle vie qui est Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ lui-même. Life is greater than everything. Parce que la vie c'est mieux que toute autre chose. Remember that life is coming from the blood. Okay. Ich weiß nicht, sorry. Ja, ich wusste nicht, ob mache ich jetzt. Okay, Joseph. Ja. Ich wusste auch nicht. Okay. Alles gut. Praise the Lord. Okay. Christ's life is coming from Christ's blood. Das Leben von Christus kommt von dem Blut von Jesus Christus. La vie de Jésus-Christ, ça vient à travers le sang de Jésus-Christ. There is no life without blood. Es gibt kein Leben ohne Blut. Il n'y a pas, tu vas jamais voir une vie sans le sang. Even the common natural life is coming from the blood of man. Selbst das natürliche Leben, das irdische Leben, kommt von dem menschlichen Blut. Même la vie terrestre, la vie naturelle, ça vient à travers le sang. The Vatican said, life is in the blood. Dritter? In 4. Mose steht, dass... Dritter Mose steht... dass das Leben im Blut sich befindet, also das Leben befindet sich im Blut. Lévitique nous dit que la vie c'est dans le sang. Mm-hmm. Again, Christ must be our refreshment. Amen. Christus sollte unsere Erholung sein. Donc Jésus-Christ doit être notre rafraîchissement. He must be our rest. Er muss unsere Ruhe sein. Il doit être notre paix. Remember, Matthew 11 said, "Come unto me, I will give you rest." Erinnert euch an Matthäus 11, wo er sagt, kommt zu mir und ich gebe euch Ruhe. Rappelez-vous à Matthieu 11, il a dit que venez vers moi, vous qui êtes fatigués. The load is too big for you. Give it to me so that you rest. Denn diese Last ist zu groß für dich. Il te dit que ta charge est trop gros pour toi, donc viens vers moi et je vais te donner la paix. Wir lesen Matthäus 11. On va lire Matthieu 11. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 28 and to the end. Matthäus 11 ab Vers 28. Matthieu 11 à partir de verset 28. He said, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Praise the Lord. Hallelujah. I will give you rest. It means without me, there is no rest. Mm. Venez à moi, vous, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Sans moi, il n'y a pas de repos. Ich will euch Ruhe geben. Das bedeutet, dass ohne ihn gibt es keine Ruhe. Praise the Lord. Amen. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Praise the Lord. Hallelujah. You can see there is no rest in people's souls today. War is everywhere. Okay. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. He said, "For my yoke is easy," verse 30, "and my body is light." Wonderful. Praise the Lord. Car mon joug est doux. Et mon fardeau léger. Praise the Lord. Hallelujah. Your refreshment, let me, you know, in Dutch is a erholung, amen, should be Christ Jesus alone. Deine Erholung sollte Christus Jesus allein sein. Ton repos doit seulement être Jésus-Christ lui-même. And not any journey. Und keine Reise. Et pas un voyage. Traveling from one place to another should not be your refreshment. Von einem Ort zum anderen zu reisen sollte nicht deine Art von Erholung sein. De faire un voyage partir de d'un pays à l'autre, si ça doit pas être ton repos en fait, ou bien ton rafraîchissement. In the kingdom of this world, yes, that is their refreshment. That is how they rest. Amen. We rest, and Christ is our rest. Im System dieser Welt ist das ihre Art und Weise, wie sie sich erholen, indem sie reisen und andere Länder erkunden. Aber im System von Jesus Christus ist Christus allein unsere Erholung. Dans le système de ce monde, le rafraîchissement, bien le repos pour les êtres humains, c'est quand ils sont en train de voyager, dans les parts, voir autre pays, pour voir quelque chose de nouveau, avoir leur paix. C'est ça leur paix. Mais nous, au royaume des cieux, c'est pas le cas. Praise the Lord. Hallelujah. Especially, you know, this period is the period of holiday. People are having different holidays. No journey should replace Christ. Amen. Und in der Zeit, in der wir aktuell sind, ist es sozusagen die Urlaubszeit, wo viele Leute sich Urlaub nehmen, um zu verreisen. Und es ist die Reisesaison. Aber keine Reise sollte die Erholung in Jesus Christus ersetzen. Par exemple, dans le système de ce monde, eux, ils sont en train de voyager et ça leur donne la paix. Mais nous, les enfants de Dieu, les voyages ne doivent jamais remplacer notre paix qui est Jésus-Christ lui-même. Christ must be everything in our life, including our rest. Christus sollte alles sein in unser Leben, inklusive unserer Erholung. Jésus-Christ doit être tout dans notre vie. Et notre paix aussi. Il doit aussi inclure notre paix. Ça inclut aussi notre paix. Wir lesen Jesaja 28. On va lire Esaïe 28. Vers 11 und 12. Versets 11 et 12. Praise the Lord. Alléluia. Are we there? He said, "For with stammering lips and another tongue will he speak to his people." Verse 12. To whom he said, "This is the rest wherewith you may cause the weary to rest." Esaïe 28, 11 et 12. Eh bien, car par les hommes aux lèvres balbutiants et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Mm. » And this is the refreshing. Are you getting it? Mm-hmm. You see that? Mm-hmm. The speaking in tongues, he called it our rest. Mm-hmm. How to rest. Mm. In fremden Sprachen zu sprechen, nennt er unsere Ruhe. Et quand on parle en langue, on voit ici, il dit que voici les repos, il dit que celui qui parle en langue, quand il parle des langages barbares, c'est parler en langue, c'est ça ta paix. Because Christ is our tongue. Denn Christus ist unsere Sprache. Parce que Jésus-Christ, c'est lui notre nos paroles, en fait. Are you getting it? Amen. Notre langue. Praise the Lord. Amen. Christ is our tongue. Christus selbst ist unsere Sprache. Jésus-Christ lui-même, il est notre langue. Amen. Amen. Let us go to 1 Corinthians 2. Lesen 1. Korinther 2. 1 Corinthiens 2. Praise the Lord. Mm. And even Jude. Amen. You know, the book of Jude is only one chapter, verse 20, if you go there. Mm-hmm. It said, once you are speaking in tongues, you are in your most highest faith. Can you go there? The greatest faith. Mm-hmm. Und auch in Judas lesen wir das. Put something in here, then let's go to Jude first. Okay. Okay, wir lesen zuerst Judas. On va d'abord lire, d'abord, on va partir sur... Das letzte Buch vor Offenbarung. Judas. Yeah, Jude. Mm-hmm. Jude 1. Bon, laisse-moi un chapitre. Verse 20. Jude 1, verse 20. Vers 20. Jude 1, verset 20. It's about you, beloved, building up yourself on your most holy faith. Mm. Pray in the Holy Ghost. Mm. Praise the Lord. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Amen. How to bring yourself in your the most holy faith. Wie du once you are there, the higher you are in the level of the highest faith. Amen. I speak in tongues. Wenn du in Zungen redest, befindest du dich in deinem allerheiligsten Glauben. Quand tu parles en langue, là tu es dans donc le niveau de ta tu es au plus haut niveau de ta foi, voilà. Because your tongue is Christ. Weil deine Sprache Christus selbst ist. Parce que ta langue ça devient Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthians 2 please. Jetzt lesen wir 1. Korinther 2. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 2. We'll first of all read from 1 to 7. 1 Corinthiens 2, vers 1 bis 7. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 7. Amen. Amen. He said, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. Mm. And never see the flesh by the Spirit. Mm. In Vers 2 sagt uns Paulus hier, dass er nicht das Fleisch sieht, sondern das Geist. Verset 2, il nous dit qu'il n'a, car je n'ai pas eu la pensée de voir parmi vous quelque chose autre que Jésus-Christ. Do you see that? Mm. Amen. That's why when I welcome you, I welcome Christ Jesus. Whoever welcome you, welcome Christ Jesus. Mm. Und wenn ich euch willkommen heiße, dann heiße ich Christus Jesus willkommen. Und jeder, der euch willkommen heißt, heißt Jesus Christus willkommen. Et comme lui, il a dit ici que il voit que Jésus-Christ, ça signifie que toute personne qui va te souhaiter le bienvenu est en train de souhaiter à Jésus-Christ le bienvenu. So also, whoever rejects you, reject Christ Jesus. Are you getting it? Mm. Und so auch jeder, der euch wegstößt, der stößt Jesus Christus weg. Et tout comme si quelqu'un te rejette, il rejette aussi Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. We should pray to remember this always. Wir sollten dafür... When people are dealing with us. If not, you know, you know once you, if you can remember that they are dealing with Christ, you will pray for them. Mm-hmm. Und wir sollten dafür beten, dass wir uns ständig an diese Tatsache erinnern. Besonders wenn Leute uns konfrontieren. Denn wenn diese Menschen uns konfrontieren, dann würden wir sogar Mitleid mit ihnen haben und für sie beten. Et ce fait ici que nous, on est Jésus-Christ, quand on ne se sépare pas de, du Christ, on doit toujours se rappeler parce que même si quelqu'un te fait de, du mal, tu vas commencer même à prier pour la personne parce que tu vas voir que, et tu vas savoir qu'il fait du mal à Jésus-Christ et c'est très dangereux pour la personne et pas toi. Remember in Matthew 5, it says, if one slap you this side, he said, give him the other side. Why? If you can remember Christ, you will give him the other side. Und in Matthäus 5 lesen wir, dass wenn einer dich schlägt, dass du ihm die andere Wange hinhalten sollst. Und warum steht das so? Weil wenn du dich daran erinnerst, dass es nicht um dich geht, sondern dass es Jesus Christus ist, dem sie sozusagen schlagen, wirst du die andere Wange hinhalten, weil du nicht dich siehst, sondern Christus selbst. La Bible nous dit aussi, si quelqu'un te gifle dans ta joue gauche, tu dois lui rendre aussi la joue droite. Et c'est presque impossible de le faire, mais quand est-ce que c'est possible à le faire? C'est quand toi tu te rappelles de l'éternel Jésus-Christ, là tu vas t'humilier, puis tu seras capable de le faire. You know how you give him the other side. You know, you pray for him, we see you as a fool. Und wie kannst du, bist du überhaupt in der Lage, die andere Wange hinzuhalten? Wenn du für die Person betest, würde dich die andere Person sogar als verrückt bezeichnen. Et comment tu le fais? Comment tu le donnes? Ton autre jour, c'est quand tu pries même pour la personne va dire, mais cette personne, elle est folle. Comment je lui frappe et il prie pour moi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 3 said, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Howbeit we speak wisdom. We speak wisdom. Wir sprechen Weisheit aus, wenn wir sprechen. Donc, quand nous on parle de la sagesse, il a dit ici à verset 4. Praise the Lord. Sorry. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de toute puissance. Notre puissance, c'est aussi la sagesse de Jésus-Christ. Our words and our tongues. They are Christ. Unser Sprechen und unsere Sprache ist Christus selbst. Donc notre langue et quand on parle, c'est Jésus-Christ lui-même. Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. Jésus-Christ est notre sagesse. He said, how be it we speak wisdom, we speak Christ. Amen. Among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world, but that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery. Amen. Praise the Lord. Alléluia. En fait, il a dit aussi, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chef, ni de siècle, qui vont être anéantis. Amen. Our tongues and our words, they are wisdom of God in a mystery. Amen. Unsere Sprache und unser Sprechen ist die Weisheit Gottes im Verborgenen. Et verset 7, il nous dit que nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Amen. Es ist Gottes Weisheit im Geheimnis. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Verse 7 again said that we speak the wisdom of God in a mystery. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Amen. Amen. You see, what comes from us is the hidden wisdom of God. Das, was von uns rauskommt, ist die verborgene Weisheit von Gott. Et on voit que ce qui sort de nous, c'est la sagesse mystérieuse qui vient de l'éternel Jésus-Christ. Then in verse 8, he said, which none of these, the princes of this world knew. They don't know it. Amen. They cannot understand it, you know. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Amen. They will not even slap you if they know it. Verset 8 nous dit que... In Vers 8 lesen wir, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das heißt, wenn sie dich erkannt hätten, dann würden sie dich auch nicht mal schlagen, wenn du die Wange hinhältst. Aber weil sie Christus nicht erkennen, werden sie dich schlagen, wenn du die andere Wange hinhältst. Verset 8 nous dit que sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc ça signifie que s'ils savaient que Jésus-Christ est la sagesse, ils n'allaient même pas le crucifier, et de la même avec nous. S'ils savent que nous, ce qu'on parle, c'est Jésus-Christ, ils ne seront même pas capables à nous faire quelque chose du mal. Praise the Lord. Amen. Mais vu qu'ils ne savent pas. Religious people speak in tongues. Und religiöse Menschen sprechen auch in Zungensprachen. Les gens religieux parlent aussi en langue. Christianity's tongues is not Christ. Aber die Zungensprache des Christentums ist nicht Christus. La langue chrétienne et le parler en langue des gens chrétiens ne sont pas Jésus-Christ. Just let me just give you an example. C'est pas la langue de Christ. Their tongues, you know, Christ's tongue is full of humility. Their tongues is full of pride. Mm-hmm. Und ich gebe euch ein Beispiel. They never change them. They are never changed. You can see them full of pride. Yep. Mm-hmm. Und ich gebe euch ein Beispiel, woran. They never surrender to Christ. Mm-hmm. They hate the truth. They see themselves as never Christ. Mm-hmm. They see what they do and not what Jesus did for them. Mm-hmm. Ein Beispiel, woran man die Christentum-Zungensprache erkennt, ist, dass ihre Zungensprache voll ist von Stolz, aber die Zungensprache von Christus ist voll von Demut. Und diese Menschen, die die Zungensprache im Christentum ausüben, sind voll vom Stolz und sehen sich selbst, aber sie sehen nie Christus und sind nie in der Lage, sich Christus unterzuordnen und sich zu demütigen. Un exemple, comment reconnaître que leur langue, c'est celui du... est religieux et non de Jésus-Christ, et que la différence est que eux, quand ils parlent en langue, tu vas voir que c'est vraiment trop avec, ils sont vraiment avec toute fierté en fait. Et nous, quand on parle en langue, on est en train de s'humilier devant l'Éternel. Et ça, tu vas voir aussi à travers les actions qu'ils sont en train de faire, parce qu'eux sont en train de parler en langue à haute voix pour faire voir aux gens qu'ils sont des personnes en fait, mais nous on s'est humilié parce que et ça se voit aussi dans les actions. Praise the Lord. Satan. Wir machen das in Demut. Praise the Lord. Satan have his tongues. Und auch der Teufel hat seine Art von Zungensprache. Et le diable a aussi sa propre manière de parler en langue. You can see it even with mad people. Und selbst bei verrückten Menschen kann man das sehen. Et tu peux le voir aussi quand les gens qui sont fous, les fous, quand ils parlent dans la rue, ils parlent, ils disent des histoires, tu peux voir que c'est aussi leur parler en langue. You know, when they are acting drama, they speak in tongues. It's coming from their mind. Are you getting it? Mm-hmm. They speak from their mind. Your tongues come from your spirit, the part of you that is saved. Mm-hmm. Wenn man beispielsweise they look similar, but when you are hearing it, but they are so different. Mm-hmm. I don't know if I hope you are getting it. Mm-hmm. Wenn man beispielsweise die Zungensprache in verschiedenen Nollywood-Dramen beispielsweise beobachtet, wie sie die Zungensprache sozusagen schauspielern, dann sprechen sie aus ihrem Verstand heraus. Es klingt ähnlich wie die Zungensprache, aber der Unterschied ist, dass wenn wir in Christus in Zungensprache sprechen, dass das vom Geist kommt und nicht vom Verstand. Si on regarde par exemple à la télévision des films nigériens, par exemple, on va voir que quand ils parlent en langue, ça vient de leur tête, par exemple, de leur pensée. Mais nous, quand on parle en langue, ça vient de notre esprit. C'est ça la différence. Praise the Lord. Amen. The witch doctors, for example, they speak in tongues, incantation, they invoke. I don't know if you have heard it. Amen. They speak in tongues. They have their own tongues. And they use to bring things out. They invoke the spiritual world of Satan to bring things out. To see things, to know things. To manifest it. Und auch Menschen, die in der teuflischen geistlichen Ebene arbeiten, also Hexen und Magier, die haben auch ihre Art von Zungensprache, indem sie Dinge heraufbeschwören und Sachen herbeirufen auf ihre Art und Weise von Zungensprache. Et on voit aussi dans les films, on voit aussi souvent que tous les maîtres sorciers là, qui sont en train, avant de faire leur rituel par exemple, ils sont en train de faire dans leur langue aussi spirituelle, c'est des incantations par exemple, ils sont en train de chanter, de faire leur cérémonie dans une langue bizarre là, pour, oui, c'est aussi leur sorte de parler en langue. Praise the Lord. Hallelujah. You know, children can be in the school together, but they are all from different homes. Mm. Are you getting it? Mm. You know, we can be in the same classroom. There's a teacher teaching us, but we are not from the same family. Mm. We are coming from different homes. Mm. Tongues come from different places. Und es ist gleichzusetzen mit einem Klassenraum, in dem viele Schüler drin sind, aber jeder Schüler kommt aus einem anderen Haushalt und genauso ist es mit den Zungensprachen. Es kommt alles von unterschiedlichen Haushältern sozusagen. C'est tout comme dans une classe. Vous êtes là des élèves qui viennent dans des classes, qui sont dans une classe, ils viennent dans des maisons différentes. Et c'est comme ça aussi quand on parle en langue. On peut parler en langue avec les religions ensemble, mais ça vient de différentes places. Nous, ça vient de l'esprit de l'Éternel. Et chez eux, par exemple, ça vient du diable ou bien dans leur propre texte. Donc, ça vient de différentes parties. And that's why that somebody speaking tongues does not mean it's coming from Christ. Und deswegen bedeutet die Tatsache, dass jemand in Zungensprache spricht, nicht, dass er zu Christus gehört. Et c'est pour cela que quand quelqu'un parle en langue, ça signifie pas que la personne appartient à Jésus-Christ forcément. And also that they are speaking tongues should not discourage you. Are you getting it? You know they are not from Christ. You know who they are. You know them. They are speaking tongues should not discourage you because your tongues are not coming from the same place. Amen. Und wenn du andere Leute siehst, die in Zungensprache sprechen, sollte dich das nicht entmutigen, weil du weißt, dass die Zungensprache, die sie sprechen, sowieso nicht von Christus ist und deine Zungensprache vom Christus kommt. Und deswegen sollte dich das überhaupt gar nicht beunruhigen oder entmutigen. Et c'est pour cela, quand vous écoutez quelqu'un parler en langue, vous ne devrez jamais vous décourager parce que tu ne sais pas d'où est-ce que cette langue vient. Peut-être que ça ne vient même pas de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas seulement te focaliser à ta propre langue qui est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Your tongues come from your spirit, the part of you that is saved. Go to 1 Corinthians 14. Amen. Denn deine Sprache kommt von Christus selbst, von deinem Geist, der Part, der errettet ist. Parce que ta langue, ça vient du Christ lui-même, parce que ça vient de ton esprit, la partie de toi qui est sauvée. On va lire 1 Corinthiens 14. If you go, just go to straight to verse 14 first. Wir lesen 1. Korinther 14, Vers 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Amen. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Furcht. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Do you see that? Yeah. Then from verse 1, it says, follow after charity. Jetzt lesen wir Vers 1. Verset 1 maintenant. And desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. For no man understandeth him. Mm. Howbeit in the spirit he speaketh mystery. Amen. Amen. Vers 2, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car la personne ne te comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 3 talk about prophecy. That is, as I'm preaching now, the message is prophecy. Mm-hmm. Are you getting it? The message as I'm preaching now, I'm prophesying. Mm-hmm. Amen. It's no longer the old prophecy and the new. They are two different. The new prophecy is preaching Christ to the people. Mm-hmm. Und in Vers 3 reden, spricht das Wort Gottes hier von Weissagung. Die Weissagung ist, wie ich zum Beispiel hier zu euch predige. Es ist nicht wie die alte Weissagung, in der Propheten was prophezeit haben, sondern es geht darum, in der neuen Weissagung Christus zu verkünden und Christus zu predigen. Ici, verset 3, je parle de la prophétie, et ce n'est pas la même prophétie que nous. Par exemple, l'ancienne prophétie et le nouveau prophétie sont deux choses différentes. L'ancienne prophétie, dans le nouveau prophétie, il s'agit de prêcher la parole de Jésus-Christ. He said, verse 3, but he that prophesied speaketh unto me to edification, mm-hmm. just like I'm speaking to you right now. Mm-hmm. You understand it? Mm-hmm. And exhortation and comfort. Mm-hmm. But he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. But he that prophesied edifieth the church. Mm-hmm. You can see the difference. Amen. Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und daran erkennen wir den Unterschied zwischen der Weissagung in der heutigen Zeit, in der es darum, Christus in den Gemeinden zu predigen. 1 Korinther 14, Vers 4, hast du es gelesen, ne? Ja. Ja. Vers 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétie édifie l'église. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If they speak any tongues, it's how we rest. Help us to rest. In Sprachen zu sprechen ist die Art und Weise, wie wir uns erholen in Christus. Amen. Quand on parle en langue, c'est notre manière de se reposer en Jésus-Christ. And also, you are in your most holiest faith. Und du bist in deinem allerheiligsten Glauben, wenn du in Sprachen sprichst. Dans ta foi ultimative, dans la plus haute foi. Unterschätze es nicht. Quand tu parles en langue, donc faut pas le sous-estimer. Again, your tongues come from your spirit, the part of you that is completely Christ. Mm-hmm. Und dein Zungensprechen kommt von deinem Geist, der Teil von dir, der komplett Christus ist. Amen. Parce que quand tu parles en langue, cette langue, ta prière vient de ton esprit, et ton esprit est la part de toi qui es 100% Jésus-Christ. There is perfect. There is no sin there because there is no sin in Christ. Amen. Und dein Geist ist absolut. Somebody get it something. Amen. Und dein Geist ist absolut perfekt. Da befindet sich keine Sünde, weil sich in Christus keine Sünde befindet. Amen. Et ton esprit est 100% parfait parce que ton esprit est Jésus-Christ et il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Your sin come from your mind. Deine Sünden, your soul, the middle part. Deine Sünden kommen aus deiner Seele, was wo sich deine Gedanken auch befinden. Mm. Donc les péchés viennent de ton esprit, mais plutôt de ton âme, de tes pensées. Your unrenewed mind. Deine unerneuerten Gedanken. Tes pensées qui sont pas encore renouvelées. Praise the Lord. Alléluia. The Lord wants you to be perfect in your soul. Und der Herr möchte, dass du in deiner Seele ebenfalls perfekt wirst. Mais l'Éternel veut que tu sois aussi parfait dans ton âme. He wants you to have his own mind, the mind of Christ. Und er möchte, dass du seine Gedanken und seine Seele hast, seine Gedanken hast, die Gedanken von Christus. Et l'Éternel veut que tu puisses avoir les pensées de l'Éternel. Go to 1 Corinthians 2 again. Wir lesen 1. Korinther 2. On va lire 1 Corinthiens 2. Vers 16, the last verse. Vers 16. Verset 16, le dernier verset. He said, for who had known the mind of the Lord, that he may instruct him, but you have the mind of Christ. Amen. Amen. You know, once, if you renewed your mind, you no longer have the old mind. Mm-hmm. You have the mind of Christ. Amen. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Das heißt, sobald Christus in dir ist, hast du auch seinen Sinn, seine Gesinnung. Du hast die Gesinnung von Christus. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça signifie que dès que tu es en Christ, tu as automatiquement ses pensées en toi. Praise the Lord. Alléluia. Religious people and your saved. Their sin come from their spirit. Und bei religiösen Menschen und Leute, die nicht errettet sind, kommt die Sünde von Geist. Thank you. Et les gens religieux ou bien les gens de ce monde, quand ils sont en train de faire un péché, leur péché vient de leur esprit. Amen. Their spirit is Satan. Denn ihr Geist ist Satan. Parce que leur esprit, c'est l'esprit du diable. Praise the Lord. Alléluia. Look at the, we are seeing 1 Corinthians 2, verse 12, please. Wir lesen jetzt Vers 12 von 1. Korinther 2. 1 Corinthiens 2, verset 12. It said, now we receive not the spirit of the world, but the spirit which is of God. Hmm. You see that? Amen. That we might know the things that are freely given to us of God. Hmm. And what, then it now said in verse 11, look at this. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man, which is in him. Even so, the things of God, knoweth no man, but the spirit of God. Amen. Two different kind of spirits here. Mm-hmm. The spirit of man and then the spirit of God. The spirit of man means Satan's spirit. Mm-hmm. In Vers 11 lesen wir, dass es zwei Geister gibt. Es gibt den Geist des Menschen, der der Geist des Satans ist, und der Geist Gottes, der in uns ist, Kinder, den wahren Kindern Gottes. Mm-hmm. 1 Corinthiens 2, verset 11, elle nous fait voir qu'on a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et l'être humain, son propre esprit, si la personne n'est pas sauvée, ça signifie que c'est aussi l'esprit du diable. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand it, please. Mm-hmm. Amen. Their tongues come from their spirit. Mm-hmm. Und die Sprachen dieser Menschen, die nicht zu Christus gehören, kommen von ihrem Geist. Leur langue, la langue de ces gens qui n'appartiennent pas à l'Éternel, ça vient de leur esprit. Remember, Satan has his tongues. Und erinnert euch, dass der Teufel ebenfalls seine Sprache hat. Rappelez-vous que le diable lui-même aussi a sa propre langue. Praise the Lord. Amen. Our tongues and their tongues might sound the same. But they are not coming from the same spirit. Mm. Unsere Sprache und deren Sprache scheinen vielleicht ähnlich zu sein, aber sie kommen nicht aus demselben Geist. Quand tu entends ou tu écoutes leur langue et notre langue, tu penses que c'est la même chose, mais ça ne vient pas de la même source, ça ne vient pas du même esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, tongues can also come from the mind. Und Sprachen können auch aus den Gedanken kommen. La langue peut aussi venir de ta tête, de tes pensées. Are you getting it? Your mind, you might be saved in your spirit, but if your mind is not cooperating with your spirit, with Christ that is in you, your tongue will always come from your mind. Mm. Denn du magst vielleicht errettet sein, aber wenn deine Gedanken nicht mit deinem erretteten Geist kooperieren, dann wird dein Sprechen immer aus deinen Gedanken kommen und nicht aus deinem Geist, der Christus ist. Tu peux être né de nouveau, mais si tes pensées ne sont pas renouvelées, ça signifie que ta prière en langue, ça peut aussi commencer à venir de tes pensées et pas de ton esprit, parce que tu n'as pas renouvelé tes pensées, malgré que tu es né de nouveau. Praise the Lord. Hallelujah. Your unrenewed mind. Amen. Tongues can come from your unrenewed mind. Und Gedanken können auch aus deinen unerneuerten Sprachen können auch aus deinen unerneuerten Gedanken kommen. Et la langue que tu prononces, que tu parles, ça peut venir aussi que des pensées qui sont pas renouvelées. Okay, so mind and soul, they are the same. If I say mind, I mean soul. Mm-hmm. If I say soul, I mean your mind, the middle part of you. Mm-hmm. Are you getting it? Deine Seele und dein Verstand sind dasselbe. Wenn ich Verstand sage, meine ich deine Seele. Und wenn ich Seele sage, meine ich deinen Verstand. Das ist der mittlere Teil von in dir. Donc, c'est un synonyme. Quand je parle des pensées, je parle aussi de ton âme. Parce que ton âme et tes pensées, c'est la partie qui est au milieu. Donc, oui, c'est la même chose. Your soul or your mind have a lot to do with your tongues. Und deine Seele und dein Verstand hat sehr viel mit deiner Sprache zu tun. Et ton âme et tes pensées ça a à faire avec oui avec ta mentalité en fait. C'est ta mentalité. Hein? Sprachen, ok. Tes pensées a vraiment beaucoup à faire avec ce que tu avec ta langue en fait. Voilà. Once you are speaking in tongues, let your mind be connected to the truth, to Christ, to the Spirit. Allow your mind to be connected. Wenn du in Zungensprachen sprichst, dann lass zu, dass dein Verstand zu der Wahrheit verbunden ist, dass dein Verstand zu deinem Geist verbunden ist, zu Christus verbunden ist, der dein Geist ist. Quand tu parles en langue, tu dois vraiment vouloir que ton esprit, que tes pensées sont connectées avec la vérité de l'Éternel. Remember, Christ's word never fails in your mind. That what you speak is coming, you believe it. Erinnert euch daran, dass das Wort von Christus niemals versagt, dass das, was ihr ausspricht in Christus, dass ihr daran glaubt und dass es auch das vollbringen wird, was ihr ausgesprochen habt. Rappelez-vous que la parole de l'Éternel dans ton cœur, dans tes pensées, ça ne va jamais échouer. Et c'est pour cela, tu peux... oui, et ça, c'est important de le reconnaître. That's why to know verses also is good. To know what Christ said. Und deswegen ist es auch gut. It's very important because of your mind. Und deswegen Because once you are speaking in tongues, your mind is have to be doing something. I do get it. Your mind must be connected to the Spirit, which is Christ Jesus. Amen. You have, you know, if it is the verse of, if you don't know the verse, you know him. If you can have him, just have him in you, that this is Christ. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass man sich beispielsweise auch Bibelverse merkt oder Dinge merkt, die Christus ausgesprochen hat. Weil wenn du in Zungen sprichst, dann arbeitet dein Verstand ja immer noch parallel. Und dein Verstand sollte gefüllt sein von der Wahrheit, die Jesus Christus gesagt hat. Und selbst wenn du dich nicht an Bibelverse erinnern kannst, allein, dass du dich auf Christus besinnst, ist wichtig, wenn du in Zungensprache sprichst, während du in dieser Zungensprache sprichst. Weil du musst verbunden bleiben mit der Wahrheit, mit deinem Geist, was vollkommen Jesus Christus ist. C'est vraiment important, c'est pour ça c'est important de connaître, avoir la vérité dans ta tête, dans tes pensées, quand tu parles en langue. Parce que il y a les gens qui connaissent les versets bibliques, ou bien même la vérité, la parole de l'Éternel, c'est que lui, il a dit. Parce que quand tu parles en langue, tu dois te rappeler que, t'imaginer que quand tu parles en langue, ta tête fait quelque chose. Tu ne peux pas parler en langue et puis tu penses à quelque chose qui est mauvais. Ça signifie que ta langue là est connectée avec quelque chose de mauvais. Mais quand tu parles en langue, tu dois vraiment vouloir que tes pensées soient connectées à la vérité pour que ça soit compatible, ça puisse travailler ensemble. Et c'est ça là où tu vas savoir vraiment que tu parles en langue en Christ parce que tes pensées, c'est celui de l'Éternel. Donc tu dois vraiment méditer sur la parole de l'Éternel. You know, go to Isaiah 55, please. Wir lesen Jesaja 55. On va lire Esaïe 54. Amen. One of his words that never fail. Wir lesen that you should remember. Amen. Wir lesen eines seiner Worte, an die du dich erinnern solltest. Et on va lire un de ses paroles. Non, de l'Éternel que tu dois toujours te rappeler. That you are not speaking in fun. Dass du diese Sprache nicht aus Spaß sprichst. Parce que tu ne blagues pas quand tu parles en langue. Are you getting it? That it's not coming from outside anywhere outside Christ, but coming from Christ himself. Und dass es nicht von irgendwas außerhalb von Christus kommt, sondern von Christus selbst. Et ça ne vient pas de quelque chose en dehors du Christ, mais ça vient de quelque du Christ lui-même. Praise the Lord. Verse 10 and 11. Jesaja 55, Vers 10 und 11. Esaïe 55, verset 10 et 11. He said, for as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth above, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be, that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, that it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you know, you must have that in your head. Und du musst das in deinem Verstand, in deinen Gedanken drin verwurzelt haben, diese Wahrheit. On a lu, I will read. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduite en paix. Les montagnes et les collines éclateront l'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et ça, c'est une vérité que vous devez toujours savoir et comprendre, que vos prières, ça ne part pas sans accomplir leur... Oui, c'est que tu les as destinés à faire. Praise the Lord. Hallelujah. And also, you go to, you know, remember, learn to remember Christ. His word. You know, Matthew 16, verse 19. Go there, please. Wir lesen Matthäus 16, Vers 19. On va lire Matthieu 16, verset 19. We are not praying to have the keys. We already have the keys. Christ is the key. Amen. Und wir beten nicht, um den Schlüssel zu erhalten, sondern wir haben den Schlüssel bereits. Und es ist Christus Jesus, der den Schlüssel ist. Nous, on ne prie pas pour recevoir les clés du royaume des cieux, parce qu'on l'a déjà. C'est Jésus-Christ qui est notre clé. His truth is his keys. Seine Wahrheit sind die Schlüssel. Sa vérité, c'est notre clé. That you use to open any door that is locked. Und diese Schlüssel nutzt du, um jede Tür zu öffnen, die verschlossen ist. Et c'est avec cette clé que tu utilises à ouvrir chaque porte qui est fermée. And that you can use to open any door that has been locked. Und du kannst jegliche Tür öffnen, die verschlossen war, mit dieser Wahrheit, mit diesem Schlüssel. Et avec cette clé que tu possèdes, tu peux ouvrir chaque porte qui est fermée. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. We already have the keys here. Amen. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound. You are to know this, that whatever you bind on earth is bound in heaven. Amen. Und ihr solltet, you command heaven. Amen. Und ihr solltet diese Wahrheit aus Vers 19 bewusst sein, dass alles, was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Das heißt, du gibst dem Himmel Befehle. Verset 19 nous dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc c'est une vérité que tu dois toujours savoir quand tu pries, que tout ce que tu es en train de prier, de dire maintenant, c'est aussi lié aux cieux. Heaven moves because of you. Und der Himmel bewegt sich. Yes, so your ways. There's movement. Und der Himmel bewegt sich aufgrund deiner Worte. Et le royaume des cieux, le ciel est en train de bouger et en mouvement à cause de tes paroles. Your tongue should never be seen as joke. Und deswegen solltest du deine Sprache, deine Zungensprache niemals als Spaß sehen, sondern es ernst betrachten. Et c'est pour cela, quand tu parles en langue, tu dois pas le voir comme un jeu, tu dois vraiment savoir que tu fais quelque chose de sérieux. The Bible calls it the hidden wisdom of God. Die Bibel nennt es das die Weisheit Gottes im Geheimnis. La Bible l'appelle le mystère de Dieu, le mystère caché de l'Éternel. You are revealing what is greater than the whole world. Und du, it's coming out from your mouth, once you are speaking it on. Und durch dein Zungensprechen offenbarst du Dinge, die viel größer sind als die Dinge hier auf dieser irdischen Welt. Et quand tu parles en langue, tu es en train de révéler toute une quelque chose qui est plus grand que ce monde ici. Donc c'est une autre dimension de grandeur. Amen. Que tu es en train de révéler dans cette. You can see how God created everything through His word. He speak. That is who you are. You once you speak, your tongues, your words, they are so powerful. Don't underrate them, please. Und das erkennen wir auch und sehen wir auch bei der Entstehungsgeschichte, dass Gott die Welt erschaffen hat durch sein Wort. Das, was er ausgesprochen hat, geschah. Und das sind wir heutzutage. Wir haben Christus in uns und das, was wir aussprechen, das geschieht. Und deswegen sollten wir die Dinge, die wir aussprechen, auch nicht unterschätzen. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que nous, on est comme Dieu. Lui, comment il a créé le monde quand il était en train de parler, il a juste prononcé, il a dit, il a juste parlé et les histoires fuient. Et c'est comme ça que toi aussi, tu es aujourd'hui. Tu ne dois pas sous-estimer ta parole. Tu dois savoir que tes paroles ont une puissance. Mm-hmm. So also it's Matthew 18. You know, when we are praying for together, for people, for others, for ourselves, praying together as a church. Look at it, Matthew 18. Matthieu 18. Wir lesen Matthäus 18. Verse 19, please. Matthäus 18, Vers 19. Matthieu 18, verset 19. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car où, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. And also verse 18, please. Und auch Vers 18 lesen wir. Verset 18 aussi. He said, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall lose on earth shall be loosed in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Ici, il dit que tout ce que vous délierez sur la terre est délieré dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre il sera délieré aux cieux. Our mind have a lot to do with our tongues. Unser Verstand hat sehr viel mit unserer Sprache zu tun. Et notre pensée, ça a beaucoup à faire avec notre parole, notre oui. Amen. Notre your words have a lot to do with insight. Und deine Sprache hat sehr viel mit deinem Inneren zu tun. Et notre langue, ça a vraiment à faire avec ce que tu as dans toi, dans ton intérieur. Let's go to 1 Corinthians 14 again, please. Wir gehen nochmal zu 1. Korinther 14. 1. Korinther 14. Vers 14 und 15. Vers 14 und 15. Vers 14 und 15. 14. 14. Vers 14 und 15. He said, for if I pray in an unknown tongue, my spirit prays. Praise the Lord. Hallelujah. How wonderful it is to pray in your spirit. That your spirit is the part of you that is praying. Wie schön ist es zu wissen, dass dein Geist es ist, der für dich betet. Ici, on avait lu que quand tu pries en langue, c'est dans l'intelligence des mœurs stériles. Ça signifie que c'est vraiment beau de savoir que quand tu pries, c'est seulement ton esprit qui est en langue, c'est ton esprit qui parle. Amen. Your mind that is full of worry is not the part that is praying. Und dein Verstand, der voll ist von irgendwelchen Sorgen, ist nicht der Teil, der betet, sondern dein Geist ist es, der betet für dich. Et ta bouche, ta langue, qui la partie de toi qui tes pensées, la partie de toi qui est en train de qui toujours en train de se soucier, de se préoccuper, elle ne prie pas. C'est pas la partie qui prie. Oui, c'est pas la partie qui prie. It's about my understanding is unfruitful. Amen. My mind cannot understand it. Cannot know what I'm even speaking. Mein Verstand ist ohne Furcht. Das bedeutet, mein Verstand versteht noch nicht mal das, was ich bete. Donc, il dit aussi que mon intelligence est mère stérile. Ça signifie que même mon intelligence, mes pensées ne savent même pas de quoi je parle quand je parle en langue, parce que c'est mon esprit qui travaille. It might not make sense to my mind. Und für meinen Verstand macht das vielleicht gar keinen Sinn. Pour mon intelligence, pour mon esprit, c'est ça n'a pas de oui, c'est insensé. But that does not mean it's not the hidden power of God. Aber das heißt hidden nicht, wisdom of God. Dass das dass die Weisheit Gottes im Geheimnis ist, die verborgene Weisheit Gottes. Mais ça signifie pas que c'est pas un mystère de l'Éternel Jésus-Christ. Then in verse 15, look at it, please. Vers 15. He said, what is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also. Both. Are you getting it? Amen. Vers 15 lesen wir. Both. Your spirit is speaking and your understanding. There must be cooperation. There must be cooperation. Yeah. Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Das bedeutet, beides, sowohl dein Verstand als auch dein Geist, müssen miteinander kooperieren. Mm. Il dit que je prierai par esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Das signifie qu'il veut vraiment que tu dois vraiment vouloir que ton esprit et ton intelligence puissent coopérer ensemble. Are you getting it? Mm. It's not just coming out and saying, you know. the mind, it has nothing to do with it. But here, it has a lot to do with it. Mm. You see that? He said, what is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. Mm. We sing with tongues. Mm. Learn to sing with tongues. Mm. Und hier steht auch, ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Das heißt, wir lobpreisen den Herrn im Geist und wir sollten lernen, den Herrn im Geist auch Lob zu preisen und Lob zu singen, ihm Lobgesang geben. Ici, il continue, il dit que je chanterai par esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc, ça signifie que tu dois aussi vouloir que ça puisse être compatible quand tu pries en un esprit et en intelligence. Mm. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Once your mouth, you say, with the heart man believe it, with your tongue, with your mouth, confession is made. Mm. Both must be one. Mm. In deinem Herzen glaubst du und mit dem Mund bekennst du. Das heißt, sowohl dein Herz als auch dein Sprechen, dein Mund müssen miteinander kooperieren und beides muss eins sein. La Bible nous dit que c'est avec ton cœur que tu crois, mais avec ta bouche que tu confesses. Ça signifie que ton cœur et ta bouche, ça doit coopérer ensemble. Amen. Your words and your heart. Deine Worte und dein Herz. Ta parole, ta langue et ton cœur. Where we just read is talking about your mind, which is your soul. Und hier haben wir gerade von dem Verstand gelesen, was deine Seele ist. Et ici on a parlé de tes pensées, qui est ton âme. If you are praying for your loved ones, have them in your mind. Und wenn du beispielsweise für Menschen betest, die wichtig sind, dann habe sie in deinem Verstand, dann gedenke an diese Menschen. Et si tu pries pour tes bien-aimés, tu dois les avoir dans tes pensées et prier en langue, par exemple, oui. And have Christ also there, together. Meet them together. Und habe auch gleichzeitig Christus in deinem Verstand. Du musst diese beiden miteinander vermischen in deinem Verstand. Et tu dois aussi avoir le Christ dans tes pensées. Donc tu as tes bien-aimés et le Christ, et tu dois vraiment les mélanger ensemble. C'est vraiment important. Amen. That you know, for example, your word said I should pray that you will send laborer to the harvest. You are missing them together. Mm. I don't know if you understand it. Yeah. Ein Beispiel wäre, dass du zum Beispiel über die Person nachts sinnst, für die du beten möchtest, und gleichzeitig. Meanwhile, you are speaking tongues, but you have that in your mind. Und in Zungensprachen betest und gleichzeitig an die Wahrheit betest oder an das Wort von Jesus Christus betest, das sagt, dass wir dafür beten sollen, dass der Herr Arbeiter sendet zu diesen Menschen. Dadurch vermischst du beides gleichzeitig in deinem Verstand. Mm. Par exemple, quand tu pries, par exemple, pour tes bien-aimés en langue et tu as dans ta tête, tu as tes bien-aimés et tu as l'Éternel, ça signifie que tu es en train de les mélanger. C'est comme si tu es en train d'envoyer des messagers chez tes bien-aimés pour aussi les édifier, pour aussi prêcher aussi pour eux. Donc, tu es en train de les mélanger. Non, c'est vrai. C'est que quand tu pries en langue, tu dois avoir aussi, quand tu veux prier pour tes bien-aimés, tu dois aussi avoir la vérité en même temps. Quand tu dis, par exemple, quand tu penses que tu demandes à l'Éternel d'envoyer des travailleurs qui vont leur donner la vérité. C'est pas donc tu mélanges la vérité avec tes bien-aimés afin que ça soit compatible avec ton esprit qui prie. Sometimes I will take your saying it in English or your language for it to be in your mind. You understand what I'm saying? Mm-hmm. You are speaking in tongues. You can say something in English in between. So that it can't be in your mind because your tongue is what you use to write in your mind. Und manchmal ist es so, dass während du gerade in Zungensprachen sprichst, du ein Wort auf einer natürlichen Sprache, auf Deutsch, auf Englisch oder deiner Muttersprache aussprechen kannst, damit dieser Gedanke in deinen Verstand sozusagen nochmal hineinkommt und du in Zungensprache, im Geiste für die nochmal beten kannst. Das heißt, dieses Aussprechen in der natürlichen Sprache, in deiner Muttersprache, bringt diesen Gedanken nochmal in deinen Verstand. Et c'est pour cela, quand tu parles en langue, c'est aussi, quelquefois, c'est aussi important de dire des mots en intelligence, par exemple, dans une langue normale, par exemple en français, en lingala, tu parles en langue, mais tu dis des mots en intelligence qui t'aident aussi à se rappeler de la vérité que toi, tu es en train d'envoyer en esprit aussi pour les personnes, en fait. You understand? Also, mit envoyer, meine ich jetzt nicht physique, sondern spirituellement. There are reasons why we pray. Amen. Many reasons. We pray to glorify Christ. Are you getting it? To say thank you. Amen. Then we pray for our loved ones. We pray for things to be changed. Because we can see that the devil is working. Are you getting it? So with all this, the connection, there must be connection between your mind and your spirit, soul, and mind. Your spirit, soul, and your words. The connection must be there. Und es gibt verschiedene Gründe, weswegen man betet. Man betet zum einen, um den Herrn Danke zu sagen, und man betet auf der anderen Seite auch für Menschen, die man gern hat, die noch zu Christus kommen müssen, weil man sieht, dass der Teufel gerade am Werk ist in ihrem Leben. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wenn wir beten und wenn wir in Zungensprache beten, dass dein Geist und deine Seele miteinander verbunden sind und dein Geist, deine Seele und das Wort, was du aussprichst, miteinander in der Wahrheit und im Geist verbunden ist, was Christus Jesus ist. En fait, il y a deux sortes de prières qu'on fait. Quelquefois, on prie pour remercier l'Éternel, pour être reconnaissant, mais quelquefois, on prie aussi pour nos bien-aimés, pour être nés de nouveau, pour connaître, pour avoir une relation avec l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Éternel Jésus-Christ. C'est pour cela, c'est important que tes pensées, ton âme, ton esprit et ta langue puissent être unis dans la vérité pour aussi glorifier l'Éternel, pour que ça puisse être aussi effectif en fait. Also, we pray for things we cannot even see at all. Mm-hmm. You understand it? But once you are praying for things you cannot even see at all, but you must still have Christ in your heart, in your mind. Mm-hmm. You must still see Christ there, that what you are speaking is Christ. Amen. Und oftmals beten wir auch für Dinge, die wir mit unseren physischen Augen nicht sehen können. Und wir beten für diese Sachen im Geist. Und wenn wir für diese Sachen beten, die wir mit unseren physischen Augen nicht sehen können, ist es wichtig, dass wir weiterhin Christus in unserem Verstand haben und beten, dass all diese Dinge Christus alleine sind. Et c'est pour cela aussi que quand on prie quelquefois, on prie pour des histoires qu'on n'a pas encore, physiquement. Et c'est important de prier aussi avec la vérité pour qu'on puisse pas vouloir avoir des histoires de par nous-mêmes, mais qu'on puisse le mélanger avec l'Éternel Jésus-Christ, que l'Éternel nous le donne. Donc c'est pas que tu pries pour recevoir les histoires, mais tu pries pour la volonté de l'Éternel dans ces histoires. Remember spirit, soul and body. Erinnert euch an Körper, Geist und Seele. Et rappelez-vous à corps, âme et esprit. Amen. Praise the Lord. Amen. Your tongues, once you're speaking, once you are speaking in tongues, what is coming from your spirit, but don't allow your soul to be absent. Allow that Christ to pass through your soul. It's coming out. Are you getting it? Mm. Until that the spirit, until the tongues must come through your soul before it can come get to your mouth. Mm. It is spirit, soul, and body, and not from your spirit straight to your mouth. Also erinnert euch daran, dass die Reihenfolge ist sozusagen Geist, Seele und Körper. Und wenn wir in Zungensprache sprechen, dann sprechen wir im Geist, dass der perfekt ist und der vollkommen Christus ist. Aber wir müssen zulassen, dass unser Verstand nicht abwesend ist, während wir in Zungensprache sprechen, sondern dass unser Verstand ebenfalls komplett erfüllt ist von Christus. Denn es ist wichtig, dass Christus, der unser Geist ist, durch unsere Seele hindurch kommen kann und hindurch gelangen kann, damit unser Wort die Wahrheit von Christus ist. Also ihr müsst euch an die Reihenfolge erinnern, dass der Geist, die Seele, das der mittlere Teil ist und Christus sozusagen, dieser Geist, durch die Seele durch muss, damit die vollkommene Wahrheit und der vollkommene Geist komplett erfüllt ist mit Christus, und dafür ist es wichtig, dass dein Verstand ebenfalls von Christus erfüllt ist. On doit comprendre que notre personne humaine, nous sommes quand on est en Jésus-Christ, on est vraiment corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Et quand tu pries par exemple en langue, c'est ton esprit qui prie. Ça on le sait, mais tu dois vouloir que c'est que tu pries dans ton esprit, que ton âme puisse aussi connaître la vérité. Parce que c'est cette vérité qui doit traverser ton esprit, qui traverse ton âme, et qui parle à travers ton corps humain, dans tes lèvres, qui parle la langue. Donc ça signifie que la vérité de Jésus-Christ doit traverser l'esprit, il traverse ton âme pour dire la vérité, pour que ta langue puisse être aussi la vérité de Jésus-Christ. Donc ça signifie que quand tu pries en langue, c'est pas seulement ton esprit qui prie en langue et ta bouche parle en langue et que ton âme, tu ne penses à rien, tu penses au foufou, tu penses à quelque chose d'autre. Non, tu dois penser vraiment à la vérité de l'Éternel. Wir lesen 3. Johannes 1. Praise the Lord. 3 Jean 1, verset 2. He said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Mm. Your soul, your speaking in tongues is from your spirit, soul, and body. Not just your spirit and your mouth. Mm. Und hier in Vers 2 lesen wir von der Seele, dass es deiner Seele wohlhergeht. Das heißt, wenn du in Zungensprache sprichst, dann geht es um deinen Geist, deine Seele und dein Körper. Es ist nicht nur dein Geist, der direkt zu deinem Körper durchgeht, sondern die Seele muss mit kooperieren. 3 Jean 1, 2 nous dit aussi que, bien aimé, je vous souhaite que vous soyez prospérez à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Ici, on voit aussi que ton esprit, elle est parfaite. C'est pas que quand tu pries, que tu pries seulement en esprit et ta langue, mais c'est ton esprit, ton âme et ta langue. Not it should never be absent of your mind. Dein Verstand sollte niemals abwesend sein, während du in Zungensprache sprichst. Et ton âme doit jamais être absent quand tu es en train de parler en langue. Amen. And that's why when you are praying, for example, you close your eyes because you need concentration, you need your mind to be part of it. Und deswegen schließt man beispielsweise die Augen, wenn man betet. Das ist keine Notwendigkeit, sondern man schließt die Augen, damit man sich konzentriert und damit der Verstand auch konzentriert bleibt auf die Sache, wofür du betest. Et c'est pour cela aussi on ferme nos yeux quand on est en train de parler et de prier et de surtout quand on prie en langue. On ferme les yeux, pas parce que on doit toujours fermer les yeux. Non, on ferme les yeux pour être concentré, pour que tes pensées, ton âme soit concentrée à la vérité qui vient de ton esprit en fait. Et c'est pour cela que tu fermes les yeux pour être focalisé en fait. You know, Peter and John, they fastened their eyes on that cripple. I don't know if you can remember. Amen. In Acts 3, they fastened their eyes on the cripple. You can see the concentration. The spirit, the soul, then the body is involved. Und in Apostelgeschichte 3 lesen wir von Petrus und Johannes, die diesen Krüppel vor dem Tempel gesehen haben und ihre Augen waren fokussiert auf diese Person. Und daraufhin konnten sie auch für diese Person oder dieser Person auch Christus geben, weil der Fokus auf die Person war und die Augen auf ihn gerichtet waren. Et c'est pour ça on voit aussi à la Bible Pierre et Jean, ils étaient vraiment focalisés quand ils ont aidé l'homme la personne qui l'handicapé pour le guérir. Ils ont fermé leurs yeux pour se concentrer que à cette guérison qu'ils sont en train de vouloir faire.